C'est bizarre qu'il n'ait prévu que 7 verres, sachant qu'il serait 8, et qu'il n'est visiblement pas le dernier pour picoler.